Putain. Jack. 下去。 Jack. Ok. Pas de chômeur, grâce au fer, souffle au cœur, pose place, pas de menace au sauveur. Pas de l'over, j'passe au vert, gros sauveur, dos crack, fort, pas de crossover. Ma gueule, on est rap, boîte, on rase, dot à 4 bois, chacun son plat de pâte, y'a que des papotes à 4 potes, j'ai pas de code, poussé sous le même barcode, on rabatte avec mon pote Jack, on rêve du jackpot. Là y'a pas le tac, tant que les douilles existent, j'respecte pas le pack, tant que les couilles résistent. Achète ce compact, les nerfs se contractent, car de lune passe à lac, bang, brouille les pistes. Le squad est chéri, je suis avec le bras. Laisse pas le doigt rentrer, on va mettre le bras. L'ennemi est gonflé, on va faire le gras. Chaud degré, frère aussi à drap, laisse-moi mettre le drap. J'ai des ennemis, évidemment. J'ai des embrouilles, évidemment. J'ai des nasmeux, évidemment. J'y réponds pas, évidemment. Je vais me faire tirer dessus dans pas longtemps. Je vais me faire tirer dessus dans pas longtemps. Je vais me faire tirer dessus comme tout passe. Je vais me faire tirer dessus dans pas longtemps. On va lui faire un boulot sérieux. On va lui faire un boulot sérieux. On va lui faire un boulot sérieux. On va lui faire un boulot sérieux. Tes cœurs sont des armes froides sous les failles émirées. On tombe jamais d'accord, on tombe à fleur et direct. Pas mon frère qui m'a pas cru, m'a pas aidé. C'est Fianso, tu te rappelles de moi, PD. Emballez vos gamineries, j'fais comme pas vos sales. Le lunch trop en famille, les calibres à l'eau sale. Des games de Saoudien dans Panama en buggy. Pas besoin de l'équipe pour faire bugger, j'bosse avec le Jules Amugui. J'colle mon oreille au rail, ils arrivent tous, faux style. La poisse pousse, les gosses caillent. Fumigène, gros sky, famasse tout ça, passe ton criminel à rock sky. Prêt pour le game avec mon short de box style. Ich, ich, Adam, Antium et Tita. J'suis Benzé, j'suis Zidane. Coup de crosse au canon sur la teinture. T'as plein de place, les coups de chasse au-dessus de la ceinture. J'ai des ennemis, évidemment. J'ai des embrouilles, évidemment. J'ai des nasmeux, évidemment. J'y réponds pas, évidemment. J'vais me faire tirer dessus dans pas longtemps. J'vais me faire tirer dessus dans pas longtemps. J'vais me faire tirer dessus comme tout passe. J'vais me faire tirer dessus dans pas longtemps. On va lui faire un boulot sérieux. On va lui faire un boulot sérieux. On va lui faire un boulot sérieux. On va lui faire un boulot sérieux. Compris mon pote. Ah t'es débourbé, j'débourbé. Chacun ses salades pas fraîches, vraiment. C'est la guerre.